jusqu'à 22h. Comme d'habitude, Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste. Aujourd'hui, on commence par l'Afrique. Ensuite, on a un bloc qui se partage entre un peu partout, mais avec du Leonard Cohen, du Lou Reed, Lee Hazelwood, toutes sortes de monde comme ça, même Léo Ferré qui vient faire un tour dans notre émission, c'est pas fréquent. Et on termine avec des trucs comme Nico, Lucifer, Virgin Prunes, etc. Barhouse même. Et on commence là. Mm-hmm. sopa bangote o. Thank you. mama digen. Wow. Yeah, I make my money fall, oh, my mama. Comme ça. On était en Afrique. Oui, en Afrique, et d'abord au l'ancien Congo belge, Franco et Loké Jazz, qui nous faisait bon malheur sur une compilation de trucs produits entre 70, 71 et 72. Une compilation parue en 1992. François Luambo Luanzo Makiadi, qui est né au Congo belge, mais qui est mort en Belgique. Plusieurs musiciens africains qui avaient fait ce passage-là de l'Afrique en Europe, parfois avec de belles carrières européennes aussi. Franco Luambo, ça a été un musicien extrêmement célèbre. On l'appelait aussi Franco de Miamor, le sorcier de la guitare, parce que on ne sait pas si on n'a jamais pu vérifier si c'est lui qui a introduit passablement la guitare électrique. Il semblerait qu'il aurait tendu la guitare électrique au Congo, en Afrique carrément. On l'appelait aussi grand maître Yorgo, puis il a fait vraiment une très belle carrière qui s'est terminée en 1989. Il est mort assez jeune, à 51 ans, à Mongodine, en Belgique. Puis il faisait de la rumba congolaise. D'ailleurs, dans tout ce qu'on a écouté tout à l'heure, il y a toujours le rythme et... toujours intéressant chez tous ces compositeurs. Là, on est passé à l'orchestre number one de Dakar, qui faisait la chanson Mori, sur un album qui s'appelle Numéro 2 de Numéro 1. Puis, il y a toujours une espèce de confusion dans les noms de ces orchestres, parce qu'on part du Star Band avec Ibra Kassé, qui démarre le Star Band, puis ensuite, bon, il y a des gens qui se joignent à ça, Dexter Johnson, Bob Armstrong, Badi Konaté qui a été le premier, puis ils se sont mis à jouer à faire des covers de musique cubaine, latine et tout ça, puis ils ont évolué là-dedans pour devenir peut-être encore de plus en plus sénégalais. Puis il y a des gens qui se sont joints à ça. Puis là, ça se sépare à un moment donné. Ça devient l'orchestre Baobab. Il y a eu aussi l'orchestre Number One. Effectivement, il y a Youssou N'Dour qui a fait partie de formations proches. Ouais, Étoile de Dakar et tout ça. Alors, on va essayer de consulter un spécialiste prochainement pour démêler tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, puis on n'est pas tout à fait sûr tout le temps de ce qu'on lit, parce que tout le monde s'appelait Étoile, ou c'est ça, alors Star Band devient Étoile de Dakar, puis on ne sait plus finalement qui menait qui et quoi. Ila Virgem, c'est Jovens do Prenda, sur une compilation qui s'appelle Angola Soundtrack, The Unique Sound of Luanda, de 68 à 76. Ce groupe, ouais, j'ai fait ici, j'ai eu la joie de la traduction Google. Alors, Jovens do Prenda, parce que Prenda, c'est un quartier de Luanda. Alors, on leur a conseillé, on a dit, un groupe doit porter le nom de son quartier. Je pense que c'est une tradition qui s'est perdue maintenant. On aurait peut-être des... En fait, il faudrait que tous les groupes de Limoilou s'appellent Limoilou quelque chose. L'orchestre number one de Limoilou, pourquoi pas? Oui, il y a les Limoilou Stars, c'est ça. Alors, on va voir si l'évolution se fera comme ça pour toujours. Ça me ferait une bonne idée. On est passé à El Rego et ses commandos. La pièce Enan Mian Nuku sur El Rego de 2011. Oui, Théophile de Rogo, dit El Rego. Théophile d'Orego, pardon. C'est un Béninois, le Bénin, qui est comme un petit pays d'une dizaine de millions d'habitants, avec 1,8% de surface en eau, de superficie en eau. Je vous dis ça comme ça. Au Canada, c'est 8,6 ou quelque chose du genre. Alors qu'en Angola, il n'y en a pas. Pratiquement. Puis, El Rego, ça a été l'un des inspirateurs de l'orchestre polyrythmo de Cotonou. Puis, il a sorti plein de 45 tours. Alors, c'était l'époque qui voulait ça, des 45 tours. Et il y en a sorti plein. Et qu'est-ce qu'on va avoir maintenant lorsqu'on va passer à l'autre bloc? Jean-Philippe a sorti ses hits un peu encore. Il aime sortir des hits de ces temps-ci. Lee Hazelwood, Sybil Bayer, Leonard Cohen et, comme je le disais tout à l'heure, même Léo Ferré. Est-ce qu'on en a déjà mis du Léo Ferré à l'émission, Jean-Philippe? Ah ben oui, qui me dit. Ben oui, c'est juste que je m'en souvenais pas. Ma mémoire est très sélective quand il s'agit de Léo Ferré, en fait. Alors, à tout à l'heure. Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away. Let my blood pressure go on its way. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come. Done come. Let those I don't care days begin. I'm tired of holding my stomach in. No more slinky folk dolls for me. I'll take Sears and Roebuck dolls gladly. 'Cause my autumn's done come. My autumn's done come, done come. This damn situation, man, I can't. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Dear friend, I cannot tell the reasons why we started well, good time. Give me some wine when you open the door. You seem hurt, do try to speak a word to me. What on earth could really go wrong with you and me? Yet it's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend of mine. Time seems to be over when we could simply say I love you. Now you open the door. I feel cold. Why can't I hold you in my arms? Told you that life is short, but love is old. It's the end, friend of mine. It's the end, sweet friend. Seems so long ago. Nancy was alone, looking at the late, late show through a semi-precious stone. In the house of honesty, her father was on trial. In the house of mystery, there was no one at all. There was no one at all. It seems so long ago. None of us were strong. Nancy wore green stockings and she slept with everyone. She never said she'd wait for us, although she was alone. I think she fell in love for us in 1961. It seems so long ago. Nancy was alone, a 45 beside her head, an open telephone. We told her she was beautiful. We told her she was free. But none of us would meet her in the house of mystery. The house of mystery. Now you look around you, see her everywhere. Many use her body, many comb her hair, and in the hollow of the night, when you are cold and numb, you hear her talking freely then. She's

candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday. Les morts ont des anges gardiens, en chrysanthème. Ils ont des lits tous alignés comme au dortoir, et soulèvent parfois de singuliers problèmes. To be or not to be, c'est à voir. En perles fines, certes et mortuaires en couronne d'adieu. Ils sont riches, ces morts qui s'en vont à Matine prier pour des vivants qui n'ont plus besoin d'eux. Des morts qui font germer les fleurs des champs, et ces bourgeons d'amour sentent la remembrance, et font au cimetière un relief d'ortolan où viennent picorer les oiseaux du silence. D'étranges morts qui ne pourrissent pas et qui sont beaux comme la chair adolescente. Ce sont ceux-là dont les vivants parlent tout bas, anges assassinés de leur jeunesse ardente. Les morts ont des anges gardiens en chrysanthème. Ils ont des lits, tous alignés comme au dortoir, et soulèvent parfois de singuliers problèmes. Toupie, au moins toupie, c'est à voir. Là, on avait changé de style. On est parti de l'Afrique et on est allé à Lee Hazelwood, qui lui était plutôt en Suède par moment dans sa vie. C'était My Autumn's Done Come sur The Very Special World of Lee Hazelwood de 1966. Oui, c'est un monde spécial, celui de Lee Hazelwood. Moi, j'aimerais chanter beaucoup comme lui et je pense que ça serait possible si on fait une opération pour faire descendre mes cordes vocales au milieu de l'œsophage. Ou quelque chose du genre. Parce que c'est vraiment une voix absolument reconnaissable. Et effectivement, comme je vous disais, Mandy était un peu lancé des États-Unis et est allé faire de la musique pour des émissions de télé suédoises pendant un certain temps. Évidemment, il est connu pour... très, très connu pour ses collaborations avec Nancy Sinatra, entre autres. Puis, Lee Hazelwood, c'est un de nos préférés. Et en fait, il fait partie de ceux qui ont joué le plus souvent, peut-être, à notre émission. On est passé à The End, avec Sybil Bayer, sur un album qui s'appelle Color Green, de 2006. Cet album-là aurait pu ne jamais exister, parce qu'elle-même a enregistré 14 chansons en 1970 en Allemagne. Puis 30 ans plus tard, c'est son fils qui lui a offert ses chansons sur un CD, finalement, qui a fait graver un CD avec ses chansons. Puis finalement, ça a été réédité. Elle-même avait abandonné la carrière simplement pour se consacrer à sa famille, à ses enfants. Elle trouvait ça plus intéressant que de faire une carrière dans le folk, que c'est peut-être plus attirant, pratiquement aussi en 1970 pour certaines personnes. C'est ça, puis j'allais dire, elle a quel âge aujourd'hui? Ah, je ne vois pas de mention de son âge. Moi, je suis sûr que 65 ans, peut-être, me dit Jean-Philippe, ça sonnerait bien. Et c'est vraiment très joli. C'est vraiment de très belles choses qu'elle a fait. Leonard Cohen nous faisait Seems So Long Ago, Nancy, sur Songs From a Room. À part tout ce qu'on a dit sur Leonard Cohen, parce qu'il s'est dit énormément de choses, puis entre autres, lui-même se considérait comme juif, bouddhiste, chrétien. Et vivait fort bien, semble-t-il, c'est tout ça. Grâce à la fraude dont il a été victime, de son ancien producteur ou quelque chose du genre, il a été obligé de refaire des tournées finalement pour se remettre à flot, et ça a donné vraiment d'excellents résultats. J'ai eu l'occasion de voir un spectacle télévisé où on entend Cohen avec sa voix qui couvrait pas une octave probablement, mais accompagné magnifiquement, vraiment s'entourer de musiciens, tout ça, et le regarder chanter est quand même assez fascinant. Là, c'est de la belle poésie. Et certaines vidéos que j'aime beaucoup aussi de lui. Pour lui aussi, d'ailleurs, je disais, si... écoutez pas du Leonard Cohen en Afrique, dans une réserve où il y a des éléphants, parce qu'il communique par infrasons, puis ça pourrait s'avérer dangereux. Lou Reed suivait avec The Bed sur Berlin 1973. Lou Reed, lui aussi, une autre bête qui est née Rabinovitz. C'est ça, en fait. Ses parents ont changé leur nom. Des Juifs de New York. Il y a beaucoup de Juifs de New York et ou de Montréal qui étaient assez intéressés par la musique, ou assez intéressés pour laisser leurs enfants faire des études musicales. Mais ses parents ont eu la mauvaise idée, ils m'ont dit, de lui faire subir un traitement par électrochoc, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. Puis ça l'a affecté tout au long de sa vie. Puis effectivement, il a eu tendance à avoir des paroles un petit peu crues, un peu violentes parfois, provocatrices peut-être, mais extrêmement intéressantes. Lydia Lunch, elle aussi, on l'aime. Gloomy Sunday, sur Queen of Siam de 1979. Cette pièce est Sombre Dimanche. C'est une pièce, en fait, qui était à l'origine uniquement instrumentale, écrite par... Resso Ceres, un Hongrois. Puis c'est une pièce qui était même interdite à un moment donné. On n'avait pas fait le droit de faire jouer ça dans certains endroits parce que c'était trop déprimant. Il y a une version de Billie Holiday qui a été interdite à la BBC en 1941 parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne voulait pas avoir de pièces trop déprimantes. Alors, comme dit Jean-Philippe, il y aurait, paraît-il, eu une vague de suicide, mais on ne sait pas si c'est de la rumeur urbaine ou pas, mais c'est une pièce triste. disons-le, qui avait été d'ailleurs composé en mémoire des êtres défunts aimés du compositeur. Pour ce qui est de Lydia Lunch elle-même, c'est vraiment une assez longue carrière avec beaucoup de choses. Une personne qui a eu un début de vie extrêmement difficile avec victime d'inceste dans une famille possiblement pas si efficace que ça pour l'éducation. Puis elle est arrivée à New York et a fait à partir de là beaucoup, beaucoup de trucs. Et on aime bien ce disque Queen of Sam de Lydia Lunch qui est vraiment de la très grande musique. Et on a terminé avec Les morts qui vivent, Léo Ferré. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Puis finalement, je me suis dit, parler de Léo Ferré, ça vaut presque plus la peine, parce qu'il a fait, il faudrait partir loin puis en dire beaucoup. Mais il y a un vin, un Chianti, qui est produit par sa veuve Maria Diaz, qui est vraiment excellent, San Donatino, que j'ai eu l'occasion de boire à quelques occasions. Il y a une cuvée générique et une cuvée de luxe, vraiment très, très, très bonne. C'est bon. C'est bon. Alors souvent, des gens comme ça qui s'improvisent, on a l'impression qu'ils s'improvisent vigneron, font pas nécessairement de très bons produits, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment du très bon Chianti. Mais je ne sais pas si c'est disponible ici. J'en ai eu déjà, mais qui venaient d'une importation privée. Alors, on s'en reparlera quand on sera plus vieux. Et c'est tout. On recommence tantôt avec The Dream Syndicate. Thank you. flower. Pity does not bear a single flower. Thank you.

Ben c'est tout pour nous. Oui, on a terminé. On a terminé comme ça. Benoît Arcand est là. Benoît Arcand est là, prêt à faire terrain vague. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer d'ailleurs? C'était très chouette. King Volcano de Bauhaus sur un album qui s'appelle Burning from the Inside. Bauhaus qui a existé en fait de 79 à 83 en 98 et de 2005 à 2008. Puis on dit que c'est un rock du rock gothique britannique. Ok. S'ils le disent, c'est ça. Puis il était assez influencé par le côté théâtral de David Bowie, comme ça. Et leur premier single s'appelait Bela Lugosi's Dead. C'est ça, c'était pas le bloc le plus. Le plus joyeux qu'on ait eu jusqu'à maintenant, mais un très bon bloc. Virgin Prunes nous faisait avant ça. Ok. Oula Kanakulot and plus Decline and Fall. Bon, voilà, sur son album, deux pièces, If I Die, I Die. Donc, vous voyez, je disais que c'était pas le plus joyeux. Virgin Prunes, c'est un groupe de post-punk, qui me fait toujours rire, post-punk irlandais, originaire de Dublin, qui existait de 77 à 86. Il était connu pour sa subversion. Eh ben, l'autre chose. Des gens subversifs maintenant. On met de la musique de subversion. Jean-Philippe, bravo. Lucifer, Mort Garson nous faisait Voices of the Dead de Medium sur un album qui s'appelle Black Mass en 1971. C'est probablement, je ne sais pas si c'est le musicien le plus connu qui est né à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Qui est décédé à San Francisco, oui, en 2008, qui était né en 1924. C'était possiblement pas l'endroit le plus moderne pour la musique à cette époque-là, comme beaucoup d'autres endroits au Canada. Puis Mort Garson, qui était compositeur, arrangeur, parolier, mais qui a surtout fait du travail en musique électronique. Qu'est-ce qu'on a eu, donc, avant ça, Nico, ouais, We've got the Gold sur l'album The End de 1974. Nico, une autre qui est décédée assez jeune, une cinquantaine d'années, à Ibiza. D'ailleurs, au moins, c'est un endroit assez charmant pour mourir, quand même. Il y a des endroits moins charmants que ça, mais elle aussi a vécu une vie quand même un peu passage. Tumultueuse, voilà, comme dit Jean-Philippe. Évidemment, chanteuse du Velvet Underground, avec le Velvet Underground. Puis c'est surtout ça qui l'a fait connaître. Et elle était aussi mannequin à une certaine époque. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite pour commencer The Dream Syndicate, qui nous faisait Ex Cathedra sur Inside the Dream Syndicate Volume 2, Dream Interpretation de 1965. The Dream Syndicate, il s'appelait d'abord The Theater of Eternal Music. Puis il y avait pas mal de drôles de monde là-dedans. Lamonte Young, John Cale, Angus McLeish, qui était le batteur des Velvet Underground. Puis il y avait Terry Riley qui chantait parfois. Alors c'était un drôle de groupe. Il y avait John Hassell qui passait pour jouer de la trompette un petit peu. C'est un groupe très intéressant, The Dream Syndicate. Mais c'est comme ça que ça se termine. Moi, je fais dans ce temps-là X ici. Ça me permet de closer les tables sur mon ordinateur. Et une fois que ça c'est fait, je peux faire mettre en veille jusqu'à la semaine prochaine.